oiseau fragile sans les mots pour le dire. J'ai dans le cœur des rêves en bleu qui ont la douceur de tes yeux. Tu es mon île à l'abri des vents, l'instant fragile pressé par le temps. Tu es ma foi, mon évidence. Tu es maman, mon cœur ambulance. Tu es maman, ma plus belle chance. Tu es là pour moi chaque soir. Un jour tu me laisseras m'envoler loin de toi. Et tous nos silences partagés resteront en moi à jamais. Tu es mon île à l'abri des vents, l'instant fragile pressé par le temps. Tu es ma foi, mon évidence. Tu es maman, mon cœur ambulance. Et maman, ma plus belle chance. Pardonne mes caprices, mes colères. Je les habillerai de mes rires pour te plaire. Une maille à l'envers, à l'endroit. Tu m'apprends la vie pas à pas. Tu es mon île à l'abri des vents, l'instant fragile, pressé par le temps. Tu es ma foi, mon évidence. Tu es maman, mon cœur ambulance. Tu es maman, ma plus belle chance. Tu es mon île, à l'abri des vents, l'instant fragile, pressé par le temps. Tu es ma foi, mon évidence. Tu es maman, mon cœur ambulance. Tu es maman, ma plus belle chance.